ご乗客の皆様、本日はタイ国際航空ご利用いただきまして誠にありがとうございます。当機 TJ294 便バンコク行きでございます。ご乗車機はエアバス Dans le ciel, les ronrons des moteurs de l'avion bimoteur couvrent les ronrons du ronfleur en position du dormeur. Docile, merci l'exomile, je remercie le ciel de me donner des ailes pour me rendre aux îles et griller au soleil. Dans le hublot à ma droite, il y a de l'eau qui miroite, de tout là-haut dans la ouate, c'est si beau cette eau écarlate. À bord!En automatique, le pilote prend le risque de la sieste. Pas en reste, son co-sirote une mauresque athlétique. Le radio les déteste. Dans les fauteuils, en randonnion, en classe affaire, l'air affairé des financiers font du pognon. Et ses portables QI de chimpanzé. Classe touriste, l'air blasé, l'hôtesse qui passe ne subit qu'assaut salace. De salaud sans classe, d'hooligan abruti en fin de partie.Et puis, un drôle de bruit nous assaille, un souci nous tenaille. Voilà que des bouts de ferraille s'enfuient des moteurs qui déraillent. Sans réaction, évitons l'agitation, oublions la situation. Remplaçons le risque anxiogène par le masque à oxygène. Mais d'aussi haut, pas de problème, tout en bas au contact. Là dans l'eau, sans poème, ce sera échec mat. Et enfin...Tout réacteur éteint, tout à chacun entend venir son heure sans se soucier du malheur de son voisin. On entend les prières de Guerlas pour faire face à cette fin précoce quand vers nous glisse comme la glace la voix polaire et basse du boss. Il nous dit c'est l'impasse, on va boire la tasse, gare au boss, car on a perdu l'hélice, hélas, c'est là qu'est l'os.On a perdu l'hélice, hélas, c'est là qu'est l'os. On a perdu l'hélice, hélas, c'est là qu'est l'os.